L'émission Remember of Past commence d'ici quelques secondes avec un vu tout bronzé avec une belle petite paire de lunettes. Ouais, c'est vrai. Genre de vacances. Comment cool. Ça va, Hervé? Bah oui, tu nous ramènes en plus le soleil, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va super, en pleine forme. Ouais. Prêt pour la reprise hein, des soirées Remember of Past, des émissions. Alors raconte un petit peu le carton que tu as fait. Samedi, c'était pour la soirée New Wave Rebrand. J'étais blindé dans ce superbe endroit. D'ailleurs, je remercie toute l'équipe de Dubarcy, Alexandra, Pascal, Jérémy, etc. Et les charmantes serveuses de m'avoir accueilli. Non, mais c'est vrai, elles sont adorables. Ouais. C'était gros carton, quoi. Tous les anciens, tout ça. Donc, c'était un mix de New Wave, d'électro, d'électro clash, de rétro, etc. D'ailleurs, je mixais avec Kalki, on s'est super bien entendu musicalement. Ouais. Gros carton, quoi. Bon. C'était un petit peu un interlude de la prochaine soirée Remember of Past qui aura lieu donc le 6 juin, toujours au Tuy de Castel. Donc là, c'est pour nous notre plus grosse soirée. Skyline 37 555 en Bocaccio Sound avec deux guests DJ déception, Johan Volk, qui était le premier DJ du Sky et du On The Beach, et surtout Thierry Babugué, qui fait un retour en force, qui viendra spécialement de hier, dans le Var. D'accord. Il était lui DJ donc à l'Eden, au Keops, à The Villa, à l'Odéon, etc. Donc pour le côté plutôt rétro house, et moi-même pour le mix des deux. Donc ça va être vraiment la grosse fiesta. Donc le 6 juin au Tuy de Castel. Voilà, il y a déjà des flyers qui sont sur le marché. Hein, sur le marché, on vient. Oui, la com pour les fly a commencé la semaine dernière. Ouais. La communication MySpace, Facebook et tous les 60 forums avec lesquels on travaille sera faite cette semaine. En plus, bon, il y a toute une équipe qui va distribuer des flyers sur la Belgique et une nouvelle personne qui a intégré mon équipe qui s'appelle Debo Galland, qui était à l'Escape, qui était au Rêve d'eau, qui gère un peu le bazar, qui va s'occuper de ma com sur la métropole lilloise. Une dame charmante qui travaille le jeudi à la Tentation. Débo Galland. Bon, très bien. Voilà, donc le 6 juin, Remember of Past. Bon, notez-le, on aura bien sûr l'occasion de vous le rappeler. Même de vous faire gagner des places, parce que je suis partenaire de Galaxy, de Thierry Bunn. Et bien entendu, mon sponsor fétiche, Marité Fosser Gerbeau Lille. Voilà, excellent. Et même un numéro de téléphone, tiens, justement, pour des offline. C'est le mien, c'est mon 06 07 30 30 65, c'est mon téléphone portable. Faut pas hésiter à m'appeler. D'accord. Ou m'envoyer un email sur rememberofpast@hotmail.fr. Mais les gens tapent simplement sur Google Remember of Past et tomberont sur la page d'accueil Facebook, puisque aujourd'hui on communique énormément sur ça. J'ai 3000 contacts, c'est un peu le délire, beaucoup d'anciens, des gens de Galaxy qui m'écoutent, etc. Bon, interactivité. Voilà. Exactement. Facebook, hein, c'est vraiment le truc de fou. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est en train de dépasser tous les sites genre MySpace, etc. Je trouve. Ah, c'est beaucoup plus convivial. Oui, c'est pas encore la même chose. C'est une sorte de MSN géant et puis voilà. Exactement. Bon, merci à vous tous et toutes. Toutes surtout. Hein. On le sait. Soyez blondes et brunes ou rousses. Il est chaud comme la braise et il prend tout de suite les platines. C'est en direct sur Galaxy jusqu'à 21h30. Juste après, ce sera Marty. Et puis, juste derrière, à partir de 23h, la rediffusion de Prélude. Je vous souhaite de passer une excellente soirée à toutes et tous avec Hervé tout de suite. Galaxy, out of time. Out of time. Remember of Past. RVU sur Galaxy. Remember of Past. RVU sur Galaxy. Oh. RVU sur Galaxy. RVU sur Galaxy. RVU sur Galaxy. RVU sur Galaxy. Why don't you answer? RVU sur Galaxy. We'll be right back. l'espace. RVU sur Galaxy. Yeah. We'll be right back. as the nether dream. Seen by millions nationally. Lumo Pro, Plager, G, Quarterly. Because he's down on his etiquette. Charivari's really neat. Charivari. Cigarette, listening to his carcasset, cruising with his hot playmate in his Porsche 928, heading for the highest heights, for the climax of the night. The people there, they just won't quit, because the music's really heat. Charivari. Charivari. Charivari. They just won't quit, because the music's really heat. Charivari. Charivari. Charivari. Charivari. Idle, the ring of confidence will strangle away.